Jërëngeen jëf la famille lay wax nam na len lol lol lol lol di len ziar bu baakha baax kullu ziar di len wax rek ne fi nek ni nak ah koor gi mi ngi dem nank rek nank jarul yakam ci koor gaay gi dem bu baakha baax sant ci yalla mi ñu katanal bañ mën ko top ci li nga xamne mom mo nek wéru sel wi di wéru koor wéru sahru ramadan ñu koy waxé di ziar ñepp la famille ma ngi nuyu ñepp képp ku nuyo fayna la gën gi fay dila jox sa waccu way bu baax di def rek nima koy tambalé nuyu wa diaspora bi bu baax ma ngi togn tay rek sama xarit yi ma jëlon en direct sen ben émission diaspora vision fele ci Italie maleni wax na len sax man terme modou dum ko beug taw li bari wona lol bañ wax ka importer yi les modou waye nak na len nak taxaway ñooñu di ngeen ko xam ji buñu jëme bu jup korité ndax nak fu deug neex yalla bu mu gatché yi ñokoy dok fi ci réew mi aide au développement bu ñuy tuddu li fi modou yi ngi tuddu nonu di duggal mo upp lol may fatali na dafa am sama ben xaritu tuba bu ma wax ben jour mom dafa jaxlé ndaysan mom fi le nek Sénégal mune mom dafa jaxlé mune ñom tuba bi bu ñëwé fi suñu dëkk yi da lay woyé expatrié mune ñun africain buñu démé seen dëkk yi lutax ñuy nangu ñuy woyé immigré manako waaw mune ma te pourtant nak bari na fi tubab yo xamne dañuy ñew fi suñu dëkk yi ngir daan ci doole ni seen mbokk africain yi diko démé diko daané doole ci suñu réew yi manako wax nga dëgg dé kon timi ñoo ñu man lañ leen woyé expatrié rek mu wax lo xamne wax ju am solo lo tay nak xam nga tay la dimanche may wax rek sama chef technique Aaron nako tay mom dañuy def 1h30 parce que sama gaay dañ ma koy laaj te lima jot ci ay message vocaux dafa bare li jëm ci ay jafé yi nga xamné sénégalais yi nekk ci dëkk yi ñu calé fa motax tay ñu la galère des sénégalais bloqués à l'étranger moy thème bi mais nak je pense que pour ñëpp mëna xam nu muy démé dañoo d'accord ci lenn mbir da ngeen may ma jukki parce que amna ay leral yo xamne faaw ñu def ko parce que aljuma fi lañ togon juñju ci corona business bi ben mbir mu am commande 2 milliards bu jaarul PNA pharmacie nationale d'approvisionnement te mu joge ci ministère de la santé ciow li bari sa bu nga waxe gay na waw wey est ce que deug lam du deug manen waw fen du bejaw comme fen du bejaw nak dañu xaar rek li ci kanam rawli beut waye laata ma ñew ci mbir mom ma ñew ci situation sanitaire biñ ñu jox fi fever bi tollu fi ci réew mi mané la famille tay tay mom dama bëgg gaay dugg ñu partager en masse ñu waxtane li nga xamné modi galère bi sénégalais yi nek extérieur lénen may nak ñun ñu dugg parce que tay ño ayé ñu wax tribune libre la mais may lén ñu ñu wax lén yenn mbir yi pour ngeen xamalé ko tay wa amna kuy lacc téléphone bobu sax mom takugul 76 197 80 90 lañuy woté takugul sax tal kuma wo ci benen numéro timit du dug numéro bobu lañu jaglalé émission bi mom lañu jaglalé live bi ñi def kon benen numéro ku ci woté timit damay wax rek né t'as pas de chance pour ñu duggal la kon numéro bobu takugul parce que lu tax takugul dañu bëgg wax ci ay mbir yu ci xew teunk ko rapidement ba para nak dem ak yeen ba mu jeex dem ba jeex la tay ci dimanche di ñu ñëne 810 tests lañu def 67 ñoo ci positif ñom doomu jangoro ji 62 ñom na nek cas contact 5 ñoo nek cas transmission communautaire 4 ñoy ay patients yo xamne dañ leen hospitaliser ñu wër 4 cas graves lañu am 4 cas graves lañu am ci 4 cas graves yoyu donc au total bañu tuddi jangoro ji ba tay ji ni ngi ci 1182 cas positifs 372 guéris 9 décédés ben évacué 800 ñoo nek sous traitement 800 ñoo nek sous traitement may wax ne ñi may envoyer ay message pour ñu wax ci amna ay thème yu bari man nañ ci waxtane après mbiru banque yek ñun ay thème yu bari mais du parce que joxe nga ben thème rek dañ koy waxtane tout de suite lool tamit il faut que ñu xam ko ci ni ñuy doxale parce que amna yu bari bari man nañ ko waxtane mais bari na lo xamne man nañ ko tek ci table bi waxtane ko ku nek wax ci sa xalat lool dafa am solo kon fim nek ni Sénégal 800 lañu am ñu nek sous traitement lool lañu wax waye ma ñew ci benen mbir xam nga fi dama fi waxon na len aljuma na len mardi la len waxon na len ñetti corona lañu am ñun coronavirus corona politique corona business ci bir corona business bobu lek ñu yek ci ne dafa am lo xamna xewna ñu waxon len ko fi aljuma wax len lepp nu mu deme neena dafa am commande bu 2 milliards bo xamna jaarul ci pharmacie nationale d'approvisionnement ministère de la santé def ko jox ko ben privé mané jox ko ben privé ma wax ko fi mané privé bobu ken xamuko ci li nga xamné modi jëndum matériel médical muy ben ñaarel bi président de la république conseil des ministres le tok sante ministère de la santé né ko jaaral ci pharmacie nationale d'approvisionnement jënd li nga wara jënd ci ay jumtukaay ci fièvre bi du coronavirus loolu lako wax ministère bi djéggi ko fi dem amna ñom ñu ni tontu waye tay nak man dafa am ay laaj yo xamna dina len ko djébal amna ñom lu ñu tontu parce que nak lima dañ wax rek fenn du bédjaw comme fenn du bédjaw nak xam nga ñu def dafa am luma waxon defena ñu deggal mako moone rek voilà nañu andando deglu ki nga xamne dafa bokku ci intersyndical bi para ma wax len lutax bu pharmacie nationale d'approvisionnement ma wax len lutax ma indi wat ko tay parce que néna la ñun duñu lambatu wala buñu lambato rek daj ko ñu deglu li kenn ko xamne mi ngi bokku pena waxon ci commande bobu ma dogu delu ci wat ci commande bi nak tek samay laaj Dakar matin docteur Wally Diouf yow yaangi nek PNA est-ce que moy pharmacie nationale d'approvisionnement est-ce que tay ji meun nga ma deugal ne commande bi nga xamne mom le ministère de la santé réceptionné du PNA moko commander merci effectivement au niveau de nous avons appris via les médias de la place que le ministère a réceptionné une commande de près de 2 milliards de produits de riposte. Et ces produits ont été distribués au niveau des régions médicales du Sénégal. Cette commande n'a pas été faite par la PNA et la PNA n'a pas été associée ni de près ni de loin vis-à-vis à cette commande. Donc la PNA qui est le bras armé du ministère à qui le ministre et le président de la République avaient demandé de faire un stock de sécurité pour la riposte n'a pas été associé dans cette commande de 2 milliards qui a été réceptionnée au niveau du ministère de la Santé et de l'Action sociale. Et vous, votre syndicat, vous allez faire quelque chose? Oui, le syndicat est en train de s'organiser pour sortir un communiqué là-dessus, au moins pour attirer l'attention de l'opinion nationale, mais aussi demander au président de voir comment on peut faire pour que de telles pratiques puissent arrêter. Parce que le ministre, la PNA est le bras armé du ministère de la Santé en termes de politique pharmaceutique au niveau du Sénégal. Merci beaucoup. D'accord. Yéne ngi dég intersyndical bobu génné na li nga xamné modi communiqué jëm ci lama waxone aljuma. Parce que fi Sénégal légui lo fi wax ñu wéddi la. Bo taxay sax na man may pap alé ñu non non yow do pap alé. Nga wat ñu na la billahi yow do pap alé comme lo fi wax ñu wéddi la nak. Intersyndical bi dafa génné communiqué waxna des partenaires sociaux de la pharmacie nationale des partenaires sociaux de la pharmacie nationale d'approvisionnement apprennent à travers la presse la réception d'une commande de 2 milliards de francs CFA par le ministère de la santé et de l'action sociale une commande nébuleuse auprès d'une personne jamais connue dans le matériel médical au Sénégal. Moi, je l'ai dit. Ils sont pharmacie nationale. Ils sont dans la presse. Le ministère a fait une commande de 2 milliards. Une commande nébuleuse. Ils ont dit qu'il n'y a rien. Ils ont dit qu'il n'y matériel médical ici au Sénégal qui a indi am date. Muy ben. Inter Sénégal mi néna mi ngi fistiger lolu mune dañu am sax notre surprise est d'autant plus grande que la direction de l'administration générale et de l'équipement d'âge du ministère a commandé les produits sans aucune harmonisation avec la PNA qui a déjà lancé une commande pour ces mêmes produits manam d'âge du ministère de la santé def nako te yeugewu ci PNA PNA, te PNA bobu ma ngay commandé même produit masque charlotte thermoflash épi casaque ak gants ñu bind dé ñu né par le biais d'un privé à qui on donne les moyens de l'état ça aucun respect des règles et procédures vont sans aucun doute causer des difficultés énormes à la PNA qui a déjà passé plus de 5 milliards de commandes sur la base d'expression de besoins faites par les services techniques du ministère de la Santé et de l'Action sociale. Néné privé bobu ñu jox moyen wu état bi. Est-ce que le cargo Air Sénégal moko jël li bagage? Xam nga damay wax rek way wax ñoo way non il raconte sa vie way intersyndical bu mo bind li sans respecter règles et procédures néna ci boba PNA waxtaan nak ministre de la santé ba ministre de la santé wax la la bëgg ba ñu lancer ben commande bu tollu ci 5 milliards de francs CFA ci 5 milliards de francs CFA yo amna un stock d'une valeur 2 milliards bu nekk déjà ci magasin PNA et 2 milliards yo xamne ñi ngi ci en cours de réception manam ba ministère de la santé di def 2 milliards commande bu pena yegul bobu waxtana won nak pena bañu jubo ci cadeau ba 5 milliards ñu war ko wona meuna indi ci 5 milliards yoyu néna amna 1 milliard yu indi ba def ko ci stock 2 milliards mi ci yoon bi di ñom ñu bind. Cette pratique surprenante et discourtoise constitue une menace sérieuse et préoccupante pour la stabilité et pour vaincre monnaie pratique bi li ministère de la santé def daf len bet yiwul tegnewul menace bu sérieuse la pour stabiliser pena pena parce que ñoo bok même état bi di bras armé la mune fuñuy wax ak yow la pena est presque à genoux du fait des créances de la dialyse de la division sida de la direction de la prévention et celle des hôpitaux de pauvres ventes et districts sanitaires néna fuñuy wax ni pena bi ñuy wax ni danaka ay bor yu bare yo xamne dañ ko wara fay boru dialyse walu sida direction prévention ñu ñi ngi sakku ci président de la république mu rétablir li rôle pena ci système de santé ñom ñoko créé comme kay dañuy wut légui ay nit ci rek nañu waaw dama né duma jël kenn c'est bo ñu xam ko duma jël kenn dañ dëgeul bop duma jël kenn tank paré wuma limay wax kon may wax rek xaar manako ki dama japp pour mu xamne fim nek ni liñu wax dafa sérieux liñu wax dafa sérieux té fokk ñu xam ko légui nak pena bobu légui mu neurmelu ndax ay bor yu bari ñu le président de la république Macky Sall da dina ma jaxal nak ma président nak mom degg na parce que Moustapha Diakhaté néna 500 millions sax defena marché bi fi génné te président yeguko mune pena moy outil stratégique de mise en œuvre de la politique pharmaceutique du ministère de la santé et de l'action sociale depuis 60 ans lolo waral lol ils disent c'est pour cela que le président de la république Macky Sall avait lors du conseil des ministres du 4 mars 2020, soit deux jours après l'apparition du premier cas au Sénégal, inviter le ministère de la Santé à accélérer au sein de la PNA l'acquisition, la mise en disposition, la distribution des produits matériels et consommables essentiels pour une prise en charge adéquate des cas suspects et confirmés dans les structures sanitaires et veiller à la construction systématique d'un stock de sécurité. Lolo, conseil des ministres, l'on Kouedi. Nanga tapé conseil des ministres du 4 mars nga lire lan la ci président Macky Sall waxone légui nak PNA ñu né ñom ñi ngi solliciter président de la république mu def arbitrage mais wax ji nekul fofu dé top len ma rek dina len wax té ji wax ji fan la nek pour que d'abord bori yi nga xamné dañ ko yoral PNA ñu fay len ko muy ben ñaaral bi timit rôle mu def ko mu nekk ne amatu fi ndari nañ jël décision ñom disuru pena ne amatu ndari dañuy wut suñu fournisseur extérieur wala dañuy wut suñu copain jox leen wala suñu copine jox leen ñu dem jëndi matériel bi indi mu jeex c'est très simple ministère de la santé nak ñom tontu nañ senawet mo leen contacter ñu konté ñu ne amul scandale loolu lañ wax ci affaire bi néna question de responsable il n'y a pas de scandale dans cette affaire c'est une question de responsabilité té xam nañ ko néna commande bi a été faite dans la plus grande transparence et dans la plus grande légalité néna et de rappeler même pour les dons il y a un comité de contrôle du suivi à plus forte raison l'attribution des marchés lool lañ wax ñom le ministère yok nañ ci ñu né le ministère n'a pas une obligation de passer par la PNA. Cette structure est partie intégrante du ministère de la Santé et de l'Action sociale. Néna ci bori, la CMU est dans de bonnes dispositions pour solder la dette et le ministère va faire tout son possible pour assurer une santé financière à la PNA. Waouh. Vous n'êtes qu'un ministère, amoutonne, le président de la République, le 4 mars, Nélène, invite le ministère a accéléré au sein de la PNA l'acquisition. L'autre mot, quoi. kon kay mënono le ministère de la santé na kale acheter lu dox mo wax né accélérer au sein de la peine ñom lool lañu wax OK néna lepp jaar na yoon xama wax bu nekké waxi daf koy déglu no wër nopi koy dégg no wër ay laaj yu simple lañ bëgg laaj suma len wonon vidéo bi légui dem len ci page Facebook du ministère de la santé ngén def defena 29 avril di ngén fa gis ben vidéo man limay wax yépp fam tektal vidéo ba ngi fi sama machine vidéo bi sax xamna tégal len ko ngén xol directeur cabinet de réception de matériel kon comme lepp dafa lèr amul dara luñ ci neub ñuy laaj donc kan mo gagner marché première question nañ ñu wax tour wax ñu ban qualification la am bañ jox ko marché bi parce que marché santé mo gëna naqade attribuer dafa laaj ay qualification yu bare bare bare bare bare légui ñun luñ leni laaj c'est très simple kan mo jox gagner marché bi nañ ñu wax touram wax ñu structuram ak ban qualification ak par le passé ban matériel médical la mësa jënd duggal ko biir Sénégal ñettéli question est-ce que xam nañ ko ci liste fournisseur en matière de matériel médical ñettéli question ba ngo est-ce que respecte nañ règle procédure yi ba jox ko ko mom lutax ñu tann ko mom ki ñi dégg madame Thiam nit ñaangi wax na ci agence de voyage medine lañ ko xamé ci yobbu ay ujaaj makka est-ce que waaw am date mom mo gagner marché bi buñ tonto ba paré ma tek vidéo bi vidéo mom buñ ko effacer sax ñun télécharger nañ ko ba paré denc parce que wax day lèr ñu wax ñu est-ce que deugantane madame Thiam bi ñuy tuddu tañu xam ko ci agent de voyage medine mu yobbu ay ujaat makka est-ce que waaw am date mom mo gagner marché bi lutax ministère de la santé waxtaan ak PNA bañu wara déclencher commande 5 milliards ba paré ñu jaaré ca ginnaw yegëlun PNA jox kenn marché bi discrètement de 2 milliards lutax kon koy dañ ko don def manon nañ ko defal ke ci 5 milliards rek muy 3 milliards nañ ñu gennel timit keuyit limay wax ni dafa leer nañ ñu gennel keuyit buy prouver ne koku mom mo gagner marché bi est-ce que matériel bi ñu livrer te ñu gis ci vidéo yi ga bu xotté ko gis ci ay pyjama yo xamne mom lañuy fanano ñu jaawale ko pyjama hospitalier parce que yoy dafa am norme pyjama yi ni fanano ni ñu jaawale ko pyjama yoy mais dafa leer de ma babtu wat wax da fay leer kan mo gagner marché bi est-ce que amna qualification pour gagner marché bobu le est-ce que xam nañ ko ci liste fournisseur matériel médical est-ce que respecte nañ règle procédure yi est-ce que madame Thiam biñuy wax né agent de voyage medine moko yor walu tukki mak ak yobbu ujaat mom mo gagner marché bi lutax ñu waxtaan ak PNA ba wara génné 5 milliards ba paré ñu wëlbeutiku jaar ca ginnaw joxe ben marché 2 milliards nañu gennel keuyit yi genn wonane mom ci bopam privé biko gagné yello nako manam man nako xamna matériel médical ak lepp est-ce que matériel buñu livrer répondre na aux normes médicales parce que gañi nénañ giñ nañ ci pyjama yi ni fanano ñu jaalé ko pyjama hospitalier est-ce que c'est de qualité ma continue ma bëgg timi ñu wax ma NKG ak Sonabi ak Medine lan la ci mbir bi NKG Sona bi ak Medine lan lañ ci mbir mi degna intersyndical bi ministre mi ngi sakku tok ak ñom ana den suba mëna don ginaaw suba xoma kañ lay am té li yépp nak néna len li yépp bami am may len laaj donc lan mo justifier ñu limoger Mintou Sidibé mi nekkon inspectrice des affaires administratives et financières ci ministère bi bo covid bi na ciok té ñepp xam nañ né Mintou Sidibé réputation la am ci djubal mom mo nekkon inspectrice des affaires administratives et financières bu ministère de la santé bo ciowul covid bi na ciep ñu né dañuy jënd ak du jënd té ñu xam ko ci djubal ak tek mbir bi ci yoon ci lepp li transaction financière nañ ko daq nañ ñu wax lutax nan ñu wax lutax nan ñu wax lutax yoy ay laaj la comme lepp jaar ci yoon kay xam nga lepp bu jaaré ci yoon ngay tok né di woko gañé marché baangi ni ki la xam nañ ko ci liste fournisseur yi yag na ko indi matériel médical la fessé dibina na ci li nga xamné moy yag def ci yag na ligé ci matériel médical ñepp xam nañ ko parce que xamul tax may wax lool xaliss bi ñuy wax ni alalu Sénégal la enti syndical bi génné na ministre mi ngi sakku tok ak ñom kon lan dañ wax aljuma diko jundju tay dama won dina ko leral parce que dafa bari ñuma ci wo téléphone lol ñi jox intervention ñi di wax li mana len denu ñi wax na waw pouf ay détail mais dama ni tollu way la duñ ci nek ci ay détail dama ne ñu ñaan yalla rek suñu yépp maté lépp lañuy tek ci kaw table bi amuñu kenn xaarma yalla ñukoy préciser amuñu kenn xaarma yalla mais dañu bëgg rek lépp luñuy def ñu taxaw ci ñun pour mu lér waye dima jaaxal lool président ñak yek marché 2 milliards buñ joxé ni ha bu ko légui yek nako bu ko yegutone mom yek nako ndax président Macky Sall mo dakk lire li nga xamné modi réseaux sociaux ak li nek ci journal ci ki moko dakk lire ñep kon ben ngi non lolu la waxone nako leral tay ngeen may ma rek ci li nga xamné modi 30 minutes kon jël nako tay nak may wax sénégalais yi nga xamné ñi ngi envoyer message beaucoup bari na lool ciowli bari na trop ci sénégalais yi bloqué extérieur wa maroc layu ñi ngi dañ wax né amna ak amul li am solo té am solo modi ñun nañ fexé ba masse critique bi wara am sénégalais yépp xam après nak ku nekk ya xam ban responsabilité ngay jël ak say mbir kon gaay ma wax rek numéro bi mom xam ngeen ko hein bu baaxa baax 76 197 80 90 ñu bindat ko gaay xam nañ ko pour ngeen mëna dugg yeen yi nga xamne da ngeen bloquer à l'extérieur ngeen wax ñu li nga xamne mom mo am te the Bluetooth device is ready to pair. Dama bëgg éliminer ben téléphone pour mo wax na numéro bi mom lañuy waxtané tay ji ñi mëna dugg woté wax wax sen problème sen jambat ñu xam ko ci Togo aux États-Unis ki amna kuy woté fi nekk ni ñu dégglu ki xam allô allô allô salam alaykum wa alaykum salam papa al ngi lay ziar ma ngi dello ziar da ngay fay téléphone bi nga dégglu ki bi ay ci allô wa ñi ngi lay dégglu salam alaykum waaw wa alaykum salam akoku mo dafa melni dem na kon ñu jëlat keneen allô allô sama gaay mom danaka dafa melni allô ma ngi lay dégg waaw waaw allô oui allô ma ngi lay dégg bu baax dé wa ay ci ni waaw avant tout bon dañ lay sargal vraiment ci journée internationale liberté de la presse wa ay ci jerejeuf ma di la wax ni taxaw bi nga taxawal sa rew vraiment amna solo bu baax machallah waref la boko deful dula wacc lol deug la wa ay ci leg yow lan waaw non man dama la doon sargal rek tay ci journée bi vraiment très bien merci beaucoup légui dañu bëgg permettre xam lu tax ñu bëgg permettre lolu dañu bëgg permettre parce que fi nga nekké yow nonu tok Italie amna ño xamné ñi ngi ci ay jafé jafé yu tart yeneen dëkk yi ñu doon wax né ñoñu nañ leen jox priorité pour ñom ñu wax c'est vrai du dëgg voilà très bien merci beaucoup jërëjëf allô allô allô ma alaykoum salam papa lé waw ngi lay ziar bu baax waw ni lay delo ziar bu wër bu ba fay di wota fi argentine argentine waw argentine yeen da ngeen am jafé jafé wala amulen jafé jafé non vraiment fim nek ñu namu ñu ben jafé jafé ah très bien waxtani moonu ki bu bëgg leen nuyu franchement di wax rek di la ñaanal suñu borom ay lekk nga yak fi lool ci wër amin legui nak xamna ñu def ñu may gaay nga xamna ñi ngi leen di bloquer té extérieur bu ñomit ñu wax parce que ça ñoon c'est très important deug na jërëjëf ki bax vraiment jërëjëf xamna limay wax gaay rek né dama bëgg tay mom ñu nangu wax ñu bay gaay nga xamna ñi ngi ci jafé jafé yi ñoñu wax parce que c'est important ñoñu wax sen jafé jafé ak luñuy dund c'est important allô allô ya ñi en direct dé allô ma ngi lay délo ziar waaw man dama la wowon pour de le féliciter ci travail bi ngay def merci beaucoup jërëjëf mais man ma ngi lay wo depuis la France mais je dis que xamna ño xam fi sont dans les difficultés extraordinaires pour rentrer wa légui nak ñoñu lañ soxla ñoñu dugg parce que thème bi tay moy la galère des sénégalais bloqués à l'étranger parce que man me en conscience man j'héberge quelqu'un bo xamni il est dans une situation extraordinaire wa mais koku na wax mom mo gën xamul tax ba non man kay dama lay joxe parce que bobu lek man à mon niveau chaque jour que je fais j'envoie un tweet fou ministre bi tweeté mo tontu ko par rapport ak lolu mais il y a aucune réponse par rapport à ça très bien légui nak ma ngi baye ñeñu du xëna ki mo mënul do wax mais ma ngi baye parce que aussi il est un peu malade motax mënul do wax xëna ci ki bi mais dal les gens sont tellement fatigués j'en vois sur ma gënné fi même par le confinement les gens sont tellement fatigués et li ni wax lepp c'est de la politique c'est de la pour aussi que soit au niveau des consulats au niveau du le consulat pour y entrer même da ngay ñëw yam duggu sax problème là maintenant pour duggu déjà pour duggu c'est tout un tas de problèmes très bien merci beaucoup jerejeuf way wa koku de nga mom mi ngi wax ay soxlam wax nako allô Allo. Oui, salam alaikum. Malikum salam. Pap Alenya. Wow. Oui, mang lay wote depuis Espagne. Wow. Wa lima beug participer rek son wax ci émission bi. Hmm. Moi, yow lay encourager nga nek ci li nga nek toujours pour toujours parce que ñun yak nañ la suivre. Mais xam nga la bëggon nak tay. Wow. Ñu may ñi nga xamne ñi ngi dundu ay jafé jafé dima envoyer message vocaux suné ça suné parce que yow ma ngi dégg sa tout tank bobu di joy kon yow yaangi ci jamm wow kon ñu may ñoo ñu wax mo ha ñepp ko mo xam ñepp xam nañu Espagne France dañu nekk ci confinement mais ñu may ñi nga xamne wax fa deug neex yalla ñi ngi jankonté ay jafé jafé ñu wax OK jërëjëf merci beaucoup wow. Allo. Ma alaykoum salam. Ni ngi sant yalla bu baax. Waaw, Turki yeen bloqué wu len no wala ngayen bloqué fofu? Non, dafa am rek lu ma beug leer. Kena bañ la ñaanalé jamm sa fa paré. Ñaanal timit tawfiq. Wa mais est-ce que timit duñu may timit sénégalais yi nga xamné ñi ngi nek waaw. Waaw, dégg na la dé. Waaw, xam nga ñu dox nan affaire wu dicé yone fi xaaliss. No waxuñu temu xaliss bi tay xamou temu xaliss bi waxtane won nañ ko d'accord na waye damay essayer dila wo sax dama la bëgg leer la tout rek né dañ né dañ te yoon 8 millions pour mom lañu wara sédélé jaamu yalla yi xamna ñoo nek fi ni 8 millions yang koy divisé par 2400 personnes di am 3300 francs nan benen ki dina ñew lolu bëgg na ñu bay ci xel bax nan deuxième tranche pour ñu gëma di ñëw deuxième tranche D'accord, jërëjëf. Merci beaucoup. Allô? Allô? Waaw. Salaam alaykoum. Wa alaykoum salaam. Na ba nga né? Wa yaangi en direct. Yow yaangi fo may woyé ni? Wa man ma ngi lay woy ci xarit Grand Yoff. Waaw. Wa man la wadane. Waaw. Wa dabay rafetlu émission bi rek. Waaw légui xam la lañ bëggoon ñun tay waaw parce que ñi bëgg dugg nek extérieur dafa bari waaw pour wax seen jafé jafé waaw ñu permettre leen ñoo ñu dugg am problème man ma ngi ci waaw très d'accord merci beaucoup jërëjëf OK jërëjëf allô salam aleykoum salam baba la ñu lay nuyu di la ziar ma ngi lay délo ziar bu wër say life di wax na rek yow mom sare patriote nga wa legui yow fan nga nek ni ma ngi wote Italy wa legui yow Italy am nga dang fa bloqué wala bloqué wo fa non non ñi ci jamm ñi ngi sante yalla wa legui est ce que duñu may sénégalais yi nga xamne dañu bloqué sénégalais yi bloqué nak après li buma ken wote ay message vocal di wax pap ale waxal ci li on vous donne la possibilité de réagir en direct ñing lay di baye voilà momo donc kon nak buma ken envoyer ti message vocal dotuma ci waxati parce que chaque jour togo fune ni ñuy envoyer message vocal may deg manalen dimanche dina ñu ubi tribune livre ngeen wax sen jafé jafé yi ngeen di dundu ñu xam ko voilà kon ñun mom ñi ngi sante yalla alhamdullilah yalla yalla xet dole amul problème ñing lay nuy dina dogal jaajeuf allo allo wi papa ale waaw baay ñu jàmbaré sant yalla bu wër di baal lañ la ak nga baal ñu ak waaw dama ci ci sa émission bëré bëré li la war moy wax comme ni nga waxé ku nekk am nga sens de responsabilité ci tepp bi mi ñi nekk ci réew ak mi ñi nekk Sénégal donc prévoir bi yëpp ñëpp la daalal da wa légui est ce que tay ji duñu may sénégalais yi nga xamné ñi ngi bitim réew bloqué wu di jàmbat sa suñu ñom ñu jox leen priorité ligne bi wa légui nak xam nga tem yi non boy set non defal nak rek bu nekké né yag may suivre comme ning ko waxé yag nañ fi tek ay tem yo xamné dañuy bayyi ñëpp di wax mais tay dañ né sénégalais wa muso am occasion bi mais occasion bi bo ci duggé timi di nga lor sénégalais yi nga xamné ni nga bloqué accélérer wala waxal li nga bëgg wax kon ni ngi lay dégg d'accord am pa non pour te dire que lené muy situation ñu jakonto europe muy nekk sénégal ñëpp ndax tay amna ñoo xamanteni ñu def Sénégal ñoo xamanteni ken xamu ci situation ni xey ñu amuñu xey ñu ñoo fay ko ñu wéx dé ñoo ka xamu ñu ñoo fa ñu di walé déré da kenn gisul lén lo xamanteni xam nga def nañ ko ci ñoo doolé nek ci média yi xam nga xay bien para mais ñuko wara ñuko wara jëfëndiko bobu ñoo jëfël. D'accord, jërëjëf, merci beaucoup. Légui tém bobu dinañ ci ñëw. Allô. Allô. Oui. Dans le fond là, nek man fop. Ya nga en direct fi nek ni, yow lañuy déglu. Wa papa ni mang lay jaar, man la mangi wote Cameroun. Waaw. Man dama tukk ci won, wala ci wu fi, amna fi presque rare ak genn walu mangi ci hôtel ci Fayrou Cher, wala ko ak febar. Sama autorité djému ñu suñu dara te yag na. Yaangi mais fofu dama dégg man ministre Amadou Ba waxon né dañ leen di jël en charge. Jëluñ ñu dara man papaalé dégg na consulat ambassade Cameroun. Waaw. Ba nekk ci Dakar. Mi ngi préparé wu pour jël Camerounais yi indi leen Cameroun. Waaw. Ñu bëggoon nag su fekkee ne avion bi leen ñu jëlee foofu day dellu si waa Sénégal ñun fay nañ pour jënd suñu biir pour ñibb si parce que ñun dëkkuñu fi dañoo ñëwoon pour liggéey si war dellu waat suñu réew. Ok. Loolu daal suñu yitte la. Baax na voilà yow moo mos vraiment. Ñun soxlawuñu xaalis ñun soxlawuñu ndimbal ñibb rek lañ bëgg man nañ dënal sax suñu bopp ay pieds. Jërëjëf. Jërëjëf. Jërëjëf papa. Merci beaucoup. Merci jërëjëf. Légui damay def pause ma wax ak gaay yi bëgg duggu téléphone. Comme yéen a ngi sétan live bi. Est-ce que ñi nga xam ne dañuy woote ñi gërëm ñëpp ñi sant ñëpp ñi ngi leen di gërëm di leen sant. Mais comme dañoo jaglal tey émission bi ñi nekk bitim réew di jànkonteeg ay jafe-jafe. Ñi nekk bitim réew laa wax. Boo xamal ne bitim réew mooy Sénégalais yi dem foofu bloqué fa. Muy ñu ñibbi ci Sénégal chaque jour ñu ra est ce que duñ leen may tay ji ñom ñu dugg wax seeni jafé jafé ñu xam ko au moins sénégalais lool rek lañuy ñaan mais bloqué wuñ kenn téléphone bi mais nit ñi fi nekk ni ñoy dugg di wax leneen. Allô. Salaamaleekum. Maaleykum salaam. Papa lé ñu ngi lay nuyu. Ni ngi lay fay. Man ma ngi woté New York man ci ñu bloqué la bokk. Waaw très bien ñew lañ soxla. Voilà. Waaw très bien. En fait ma ngi bloqué depuis le mois de mars là on ñu man ak sama jëkkër d'ailleurs même xam nga histoire sama jëkkër. Ah yow mëson nañ wax. Ah jappon na ci de. Jappon na ci de. Voilà. Yow jappon na ci ba sa jëkkër ñibi kërëm. Non mom ñibi na mais man ma fi bloqué man ak sama dom. Waaw. Ginnaw consul bi duñu xam kañ en fait mom sax apparemment xamul kañ la néna gouvernement Sénégal lay xaar lay déglu gouvernement Sénégal lay déglu waaw ñun daal ñi ngi tok di taxerlu bo ba légui amuñu dara lu concret ñi ngi tok di xaar nek ces conditions yu un peu difficile man alhamdullilah dans mon cas ça va wa parce que ma ngi ak sama soeur sama frère waaw donc man ça va encore mais ñeneen ñi amna ño xamna ñi ñoo souffrir dañ leen nara expulser suñu dëkk et tout. Finalement yëf yi métti na daal toogaay bi xaar bi métti na man j'ai mon travail à Dakar mënuma liggéey mënuma kii war a reprendre mes congés moom daal métti na daal lu ñu mën a dimbale xeeb nañ ko nañ ñu dimbale ñu ñibbi suñu biir njaboot on a besoin de notre famille. Absolument. Franchement yàgg nañ ci àll bi. Très bien yow sa message déglu nañ. Je me suis retrouvée avec pour faire je fais actuellement man entamé sama benen quatrième mois et c'est pas normal bay sama lepp à Dakar wa donc man nañu gestu. Jërëjëf merci beaucoup. Voilà. Merci à vous. Au revoir. Allô assalamu alaykoum. Wa alaykoum salam. Ça va les père Ibrahim Bay depuis Maroc. Waaw Maroc yeen Maroc yeen waaw da ngeen bloqué ba tey war a lan moo xew Maroc waa léegi expliqué ñu Maroc moom bëggatuma waaw Aïcha maa ngi lay déglu. Am na 8 personnes yu nekk ci ñuy wax Khandakhar diggante Mauritanie Maroc ndox newu fa courant newu fa lekk amu fa ça fait presque 2 mois nene ñaata lan juroom ñaari nit han 8 juroom ñaat ndox amu fa courant amu fa lek amu fa amul dara lu fa am ñu amé problème rek waaw ay ma ñëkk ci ñooñu waaw ay ci continent dañ ko bolé sax ñooñu dañ ko bolé sax fever mais amna ñu nekk ci biir dëkk bi fi ci Casa ño xamné ni dañ fi ñëwoon du liggéey fi amuñu fu dëkk alkati dañ leen daxé fi jogen fi war leena taxaw fi ñoom ba leena dakk ñu dem ci ben koñ delu wat ci benen koñ amuñu fu dëkk consul bi man dama par and na par trois personnes ñu sommes quatre biñ fa démé ma wax ko ñu nekk Khandakhar mu ne ma ñooñu du seen responsable koku Mauritanie mo res ñooñu mo resu ko carrément monsieur Sarr Ibrahima Mbaye la tuk wala ko tuuma ñu jogat ki wax na amna help nimbal yu wara joge Sénégal ñew fi ñu dem fa mu ne lo yobu fa ben liste mu ne lo liste bi légui compter toute affaire bi dafa changé depuis Sénégal da ngeen koy defé affaire website yoy man ñuy waxe yow sax xawma nu koy defé bref mais dama la wax na la xawma Sénégal defu nañ ko xaaliss fu mu joxé ko xawma Sénégal defu ñu ko xaaliss mais si mom ci biir Casa maro ñi fi nek plus de 100 personnes joxu len xé deram indi wu gindu ko jox nañ ko jox ñu ko la yalla xam waye ci joxu ñu dara dara man ñuy waxe yow soxlu ma nimbal de soxlu ma 1 franc mais ma ñu waxe ci tandis que man ma nek sen ñi ñep ñep ma leen ni wo man may déplacer soxlu ma 1 franc jox ma ko wa mel ci may waxe modi médecin après la la mort lay tek dama la ñi nek Khandakhar lay jël ci wax waaw ku fi li ngay waxe ni ngay waxe tous les temps ci sa presse di wax la waxon na len ko te lo ñu waxon ni gis ko mais dama ko nga noté lolu sun tay bu fa ñi faato bu ne waxuma lako won da nga wax de deg na ko bu baax ni nek fi ci bir ka xawma ndax jot nañ xaliss consul bi xamu jotu ko lolu dara leer ma fi waye sañ na la wax na joxu ñu fi joxe wu dara deug na la bu baakha baax ma ngi lay deug bu baakha baax boy wone ñu amé problème na ma dikké ndikél ci ñu jox téxé bay jogu 8 personnes ñe nek Khandakhar nga xamné mara bayu lañu duggu Mauritanie bayu lañu duggu ki nga xamné pour ma dem bo bëgg sax ma lay lay seen tok non non non wa d'accord mais buguma de je veux qu'on soit dans l'anonymat parce que amna ñu xamne tamit bugu ñu lim sen tour parce que lolu xama ñoo ñu waxu waxu ñu la nga lim sen tour donc je préfère qu'on soit dans l'anonymat d'accord mais bu gisé lolu ma ci existé mais nit dañuy bay ba nit dé ñu soxlu jox dama né 8 personnes yoy soxla na nimba ñu nekk Dakar 80 km du frontière c'est pas l'état sénégalais mo lay occuper c'est l'état marocain mo lay dimbalé l'état marocain non man na xaaral man nak légui ma menn ko dof parce que da ngeen ma may après ma tégal len li ministre des affaires étrangères waxone ci ndimbal bi wara joggé ci ki bi motax may wax né ndimbal bi wara joggé ci diaspora bi ma wax len li nga xamné loolu la ci ministre bi waxone waaw loolu ma ay ci continuel ma ngi lay deglu waaw dama tegg ngay wax ben carte bu am solo waaw xol lay waxe yow waaw dama tegg ngay wax ne ku nek xaliss mbass mi dula jik waye ko nek dara nga fajo di babale waaw li ma lay jamb du vidéo yi nek ci bitti di mais ñu nek ci bir bi woor ne yalla ak yonent bi dañuy xor ba ngon du ndox dama ko geneel ci bat la ilaha illallah nana dañuy woor ba ngon wallahi lazim dañi xor ba ngon du lek ah doyna war wax dama bañ nak ñu topal la joxe nimbal mo fekke ne conseil bi bu ñu wax mu sa fekke ne dafay am deux jours na ñew Ibrahima Mbaye la tuddu ba yobbu ko ba wala ko mbolo ni nekk ñu fekke na da la jox yow xam nga bu la jox xam nga me ñi lek ñu chauffeur yi fi ñewon tak di fi jënd ci auto ñi jënd ci bagage wara retourner ñoo ñepp papa papa ala ñi ci case gi tekk kay ñu continue lek ñu Ibrahim Mbaye jerejeuf ñu permettre ñeneen ñi dugg timit c'est important kon ñu xol rek allô allô oui assalamualaikum maalikum salam waaw papaal waaw waaw man ci Sénégal yi demoon li wax ko bloqué fa la bok waaw waaw man dama ñewon faju paré wala ñi bi mu volte té pour le 27 mars tombé président bi tej aéroport ma jënd benen billet Ethiopian Airlines pour jaaré Mali tam tej waaw papa lé wax dëgg yalla bopp légui ci ay jafé yu tar la nek ndax man ci Airbnb la nek dama fay $2,500 par mois da doyna war chaque semaine il faut minimum $150 or $200 pour nga mëna lek mais xaliss bi ñu wax né sama njabot Sénégal mais sama yaay te kërëm yor leen sama yaay dafa fébar mais xaliss bi ñu wax né mais man lima jaaxal non il faut ngeen mayma après buñ défé une heure de temps ngeen mayma ma déglu leen ma tégaat leen cadeau yi nga xamné mom le ministre des affaires étrangères waxone li jëm ci ñi nga xamne ñoom nekk ci gib ne dañ leen di jël totalement en charge mais loolu dafa ma jaaxal papa ali teram ci suñu ko ñap teramu mali ci suñu ko ben site lañ ñu jox nañu nañ ci inscrire suñu tour jox leen suñu copie passeport copie visa ak copie carte d'entrée états-unis bañ leen ko joxe leg leg mot ñetti semaine bo ko le ken woowu ñu ken waxu ñu bindu ñu ñu mail waxu ñu tous dara ci suñu ko ak waxtu bi ma ngi ni ndogoguma ah donna na yalla ni ñattremu mali gisunu ko ñu jappalé gisunu ko ñu waxal ambassadeur demb mu ngi genn sts di wax lu ko neex ci worna yalla ni mu fa tan ak ñu wax ak su ñen wowe ñu jot mo consulter bu ñen bindé duñu faalé ah c'est tamit président mu ngi don lepp lu mu mun pour jappalé ñu na xamné ay doomu réewam ñu ngi citim réew di tumuran tek suñu ku len jappalé samay morom ak ñi fi ñu gennel len ci fi ñu dekkol Sur la cible prioritaire. Et dans la première phase, et face à l'urgence, les compatriotes malades du COVID-19 sont une priorité, les familles des personnes décédées à l'extérieur, la deuxième priorité, les étudiants, la troisième priorité, les autres couches vulnérables, à savoir les marchands ambulants retraités ou sans papiers, on attend la seconde phase, enfin, les Sénégalais en déplacement, bloqués dans les pays autres que leur pays de résidence. Concernant cette dernière cible, nos compatriotes sont répartis ainsi qu'il suit. En Europe, nous avons répertorié environ 314 Sénégalais qui sont aujourd'hui bloqués en Europe, dont 237 en France, 31 au Portugal, 30 en Turquie, 10 en Espagne et 6 en Italie. La deuxième région qui enregistre le plus de ressortissants retenus reste l'Afrique, avec 278 personnes au Maroc. Au-delà des 172 rapatriés par vol spécial, la mission fait état de 149 personnes qui sont encore bloquées. Le reste se trouve au Togo avec 28 personnes, le Nigeria 46, au Burkina 22, au Bénin 13, au Niger 9, en Mauritanie 8 et au Ghana 3. En Amérique, les ressortissants concernés s'élèvent à 50 aux États-Unis, alors qu'ils sont 74 en Asie, parmi lesquels 59 aux Émirats et 15 en Inde. Ainsi, selon les données reçues de nos représentations diplomatiques et qui pourraient évoluer, l'ensemble de nos ressortissants bloqués s'élève aujourd'hui à 716, avec une prise en charge de nos ambassades et consulats qui a été décidée par le chef de l'État. Je voudrais aussi inviter nos compatriotes à se faire connaître, donc cela est extrêmement important, auprès de nos ambassades et consulats, afin de bénéficier du soutien immédiat de l'État et de permettre d'engager les actions diplomatiques idoines pour assurer leur sécurité. À cet égard, des discussions prometteuses sont engagées avec les autorités émiraties et turques en vue du rapatriement dans les meilleurs délais possibles de nos compatriotes bloqués dans ces pays. Toutefois, force est de constater que la fermeture des frontières décidée en toute souveraineté par plusieurs États et les risques sanitaires rendent le rapatriement délicat dans certains cas. En tout état de cause, le chef de l'État nous a instruit de prendre les dispositions nécessaires et d'explorer toutes les voies afin de leur apporter l'assistance qui s'y est, en tenant compte de l'évolution de la situation, bien sûr. Nos ambassades et consulats font quotidiennement le monitoring. Déjà, ceux qui sont bloqués ou en transit au niveau des aéroports bénéficient d'un soutien de 500 € ou dollars par personne, 300 000 et 330 000, alors que 2 000 € ou 2 000 $, soit 1 million 200 ou 1 350 000 selon les zones, ont été distribués à chaque famille de Sénégalais décédés des suites du COVID-19, respectivement en Europe et en Amérique. Il y a une dégue. Wa no xam nga no damay wax rek xam man kay man waxi kassaw la deggu ñu teenu ñu wala yeena degg motax man na man dama waru ba ngeen may wax yi daf man fook nak man damay denc de eco rek ku fi wax ñu war la ne wala Senegal loolu la ci nekké wax waxé wala gisunu tous gisunu ku ñu taxaw xana pap ala ñun ay dig lañu ambassadeur yon nañ ko listu ñi fi coincé xana bo mu jël téléphone am wo ni ci sax neen ah ñu isi sen ka mune waye dem tok ca téré ba nan ñun dañoo égoïste ñun ñi bëgg ñibi alors que jëru baratal semaine dernière lañ ko duggal ci jet tribé mom ak liram ñu wacc Sénégal il y a 3 semaines de cela Macky Sall sérigne ki lañ ko duggal ci avion ak ay talibé ñi ci Sénégal turki li tax ñu téléphone li ci ba dafa am jàpp ko ministre ba ca bokko légui nak ñun pass ala nañ ñu wax nak Sénégal dafa am ay citoyens de première catégorie, de deuxième catégorie, et de dernière catégorie. Jerejeuf soxna si wax ji leer na trop ma ngi lay sante di la gëreum ay ci lay sante di la gëreum papa la yalla na yalla taxaw amin amin jerejeuf allo allo allo wow allo wow le wa manager yang may deg wa ñu le sénégalais bloqué ci paro yena bloqué fan deg degine bi neexul deb xawal bouger touti wa ay ci mang lay deg nga ne ñu le sénégalais dama ñom bëgg ci maroc fan ci maroc fan ngeen nekk ci maroc frontière maroc bi dakhla dakhla dakhla wa yeen dakhla yeen yag nañ degeunte waaw legui legui fofu dakhla numu deme lan mo fa xew ding leni dimbali wala det ñun ba legui dimbali wuñu ba legui jusqu'à présent même situation lañu nekké ba legui jusqu'à présent même situation lañu nekké dimbali wuñu dara semaine ça fait maintenant 2 semaines dañu degeunte ak Amadou Amadou François Gaye moy ci ton ay proposition ngeen di wor dinañ am erreur dañuy am ci semaine des passé mais ba légui ça fait maintenant 2 semaines ba légui gis ni dara instant bi nak sonu ni trop ça ginnaw suba dañuy am ci 2 mois ci frontière mais yeen mal wa dakh la malat len parce que dafa am ñen ñu ne ma ñu waxon ne yeen dafa am ñen ñu fa yor ay camion xama bama mujjé wax ak yeen fi ci live bi dafa am ñen ñu yaron ay camion né ñom dañu bëgg ku leen escorter ñu genn Maroc jaar Mauritanie dugg Sénégal amna wala amul non ñun ba légui jogu ñun jox non damay laccé est-ce que yeen ñaata ngeen d'abord ñaata ngeen non ñaata ngeen ñun état bi c'est-à-dire ñu nekk fiche dal kenn yoré ko camion ñu nekk dag marché c'est-à-dire 32 personnes ñu nekk dag marché ñoo yoré camion mais ñu nekk fiche dal kenn yoré ko camion très bien kon yeen mo amul len problème mu ay non non ñun état bi ñun état bi ñu indi ñu dem suñu parce que imagine ginnaw sama moy doom nek ci ag dafa met wër ko bu commencé ba légui suma wax ñu ñu ndogé ben yoon lañuy lek mbul ak forma am jenn kété chaque jour lool la mbul ak forma am da xara am nga wara bu jenn mbul suma am bo rutir jot nga nga lekkal lool jenn wa té amul ben autorité bu len jema contacter pour waxtan ak yeen Allez, merci beaucoup. Jerejef, ñu pan. Naw. Néna vous êtes obligé de wa té li si continue. On est obligé de dañuy dégré ñun fi grève de faim parce que ñu loolu ci wax dañuy sécrété grève de faim. Ci japp sax ci dégré amul ben problème. Ñu xam ñu responsabilité. Ñu ñu responsable parce que ñu dañuy son. Mu ñu tuñu quoi, c'est trop. Merci beaucoup Jerejef. Kon yalla leen yalla jappalé. Allo? Waaw manak la batay Permbay. Permbay waaw. Ba balé may lay man dafa am ben affaire bu ma xawa jaxal. Lu tax ñun sul aada bu ñu diiw dafa catch ñu né loolu dafa ñaaw. Mais naka lañ mëna am ay kilifa yu taxaw suñu kanam di wax nga xamné ki dafa fenn te bu ñu né dafa fenn ñu né dafa saga lu tax loolu man dafa jaxal ka. Ha? Na doyna war, doyna war. Man dal motax ba ngeen waxé ba paré. Wa d'accord motax ma dal laccé motax xam nga motax ma laccé bax non li nga wax lolu deug la amna ño xamné ni camion ji europe lañ jogé jaar fi wara jall mais amna ño xamné ni yoru ñu tax sangay dind fer wax yoru hmm li person yi ma lay woyé lolu dina wax nañu nek tax mar di yoru ñu mbéde cha ñoy kay yu mëna yobbu légui ñu topan ministre nangam consulat nangam da xam nga ni ku li ci wax dañ tax té bo na day tax ñu né lo c'est bon arrête faut pas nous prendre comme des poussins donne ñu ay poussins absolument xam nga boy mëru yéxo ñi ay yéxo pire la ma ngi jéxlu la ci bokk chef fal bu tang lay waxé wax fu dëgg ni xal dañ koy comprendre aussi non à France yi na mu leen problème. Allô? Allô? Oui. Bonsoir, Papa Ali. Bonsoir. Oui, Doudoundir. Bonsoir, je vous appelle depuis la France, Doudoundir. Doudoundir, yo, y'a un joueur comme Macron, ne m'y wahé. Non. Je vous appelle depuis la France, c'est Doudoundir. Ouais, j'appelle depuis la France. Doudoundir. Pour la situation sénégalaise, vous pouvez vous bloquer à partir du Sénégal, nous sommes au Sénégal. Wow. Ici, nous avons une situation, nous avons une titre de séjour, nous avons une fin d'expiration. Nous sommes ici pour renouveler l'écho. Nous avons bloqué parce que nous avons un billet d'avion par rapport à Royal Air Maroc, nous avons un billet d'avion. Et aujourd'hui, nous avons une situation où le roi Al-Marc n'a pas remboursé les billets. Nous avons bloqué le Sénégal, nous avons personne qui a été réalisé. Mais nous avons bloqué le Sénégal, mais est-ce que nous avons une France? Parce que nous avons une frontière. Mais nous avons deux avions Air Sénégal, Air France qui sont au Sénégal. C'est vrai? Vous avez vérifié ça? Mais effectivement, pas vrai. Avion est nigno parce que les esprits nigno expatriés, moi les ressortissants français, il n'est que Sénégal, nous les non expatriés, nous les non expatriés par la compagnie Air France, mais amener Sénégalais, y a amener parce que moi j'ai des amis, y a amener nigno ligué ici à l'aéroport de Roissy Charles de Gaulle, voilà, nous continuer ces ligués, mon nigno ici, amna une partie yo xamné ñi ngi wara renouveler sen ay titre de séjour mënu ñu ñibi ci parce que fini mujjé moy dañ na ra bloquer Sénégal parce qu'ils vont être en situation irrégulière mënu tu ñu ñibi France na lañu dimbalé sen ay famille té le gouvernement sénégalais ne fait rien en plus yo mais ñom amna kuma ci contacté won Doudou, amna kuma ci contacté won manalen mais est-ce que yeen jogé comme yeen ngi fi Sénégal est-ce que dem ngeen directement au ministère des affaires étrangères pour poser le problème parce que timit xam nga bo nekké né dang koy wër ci waxna ko ci papal non ñom comme buñu xamone ñaata lañ ñu dem directement au ministère des affaires étrangères au ministère des affaires étrangères poser le débat danaka ce serait plus facile voilà poser le débat avant et puis là ils vont avoir une réponse moi je vous donne une explication on avait le copain vous ramener il a rentré de séjour de 10 ans oui il faut que j'aille dans le consulat du Sénégal nous expliquer la situation oui on lui a dit on peut pas vous aider donc on vous demande de vous référer à votre compagnie qui vous a acheté, qui vous a vendu votre billet. Ben demain ministère des Affaires étrangères, l'Olen Lenoir. L'Olen Lenoir. Je vous le dis personnellement, l'Olen Lenoir. Affaire ou l'Olen Tissin Compagnie, nous l'Olen Lenoir de l'Owat. Très bien. Alors, donc vous savez. Waouh. Légui, nous baillons, nous baillons, nous baillons, Doudou. Voilà. Wa batay mais man da lol la bëggone ñu xol nan lañ ko trouver solution d'accord jaajeuf merci beaucoup Doudou allô salam aleikum wa aleikum salam pap ñi lay ziar ma ngi delo ziar alhamdullah ça fait man bima commencé di insister ni ngi bëgg mat 25 minutes mais ouais mais je suis pas responsable xam nga ngay comprendre li ñëpp bëgg dugg comme yow je comprends pour te dire rek ci sama xol tollu waaw ak ni ma insister ni pap man sama carte comme li nga bëgg dañu bëgg ñu da nga bëgg ñu bari dugg waaw ko teunk ci carte ngi bëgg bëre di te yow yaangi France yow amo problème waaw gattalal parce que yaangi France ñu confiné la te légui le 11 mai xamul tax Macron tan bop datu bop marle bobu pour déconfiner len mais bon mais ñun man sama situation personnelle man dekkuma ci c'est ma première fois mu ñeu en France waaw fekk ma fi waaw musuma ñeu France donc en réalité lima gëna metti mo situation ba nek ci rewma waxuma sax autorité politique yi mais man lima gëna metti moy commentaires yi sénégalais di def ci comme li ñu traité comme des pestiférés daf ma metti ba ci sama xol waaw mais c'est lool nak moy boy xol ngra lol waxon nañ waxtane won nañ ci way moy ka importer tay bo ci beugé ubi wat tay débat timit di nga xagn ñen ñi nga xamné ils ont des difficultés bëggon duggu té mënu ñu duggu wala do d'accord na ci lol sax mais problème bi moy ñun febru ñu def nañ fi 2 mois non yeen non attends vraiment la leen bo leen ne ciëpp Dakar dañ leen ni confiné non dafal nank règles du jeu non attends bañu leen confinement motax mané leen bo leen ñew ñu confiné leen 14 jours xol na febru leen kay ngeen ñibi seen kër lol y a pas de problème parce que ñun moi je doute de la légalité de cette mesure un sénégalais bon teint dès que sénégal toutes ses activités résident au sénégal nek fa ñeu fi une situation exceptionnelle de covid nga bëgg ñibi sa état un appuyé wu la ñi ngi nan appuyé nañu financièrement fi faux kenn jotul xaliss ba paré 2 ñu la do fa dug pepté yow tu es prêt à mettre de l'argent acheter un billet tu es même prêt à payer à l'hôtel pour ñu défal le confinement cette mesure elle est injuste tu sais guñu ko fenn ba paré buñu communiquer ils sont mis dans un silence extraordinaire. Ils m'ont dit sans rien. Quand ils ont eu, man musu France, dans ce bagnon agneau parce que man, voilà, du côté ouvert, n'a pas eu le bal. N'ont pas été intéressés au monde. Mais cette fois-ci, n'ont pas vu l'idal ma vie. L'homme doit avoir bien le match. D'accord, merci beaucoup. Bien le match. N'ont pas même avec mes collègues, n'ont pas eu le collectif. N'ont pas eu France, n'ont pas eu le con. Derrière, France est agité dans les bagnes. Et n'ont pas eu le collectif. Français yi amnañ foule dem jëli seen compatriotes ñun Sénégal ñi ngi ni français ñu doon waxantel groupe Facebook lañ tégot ñi ngi ni ñun ñoo déssé ci uru WhatsApp bi on a tout fait waaw mais le cri de cœur est entendu j'ai vu dans un commentaire ben dit je vais déchirer mon passeport sénégalais dama metti ouais duñ déchirer dara non xam nga yoy nak gaay dañ koy wax rek parce que ñu mer mais on déchire pas ça xam nga wa d'accord mais d'accord leg ma bayila bo nga continuer yow rek émission bi ci ken ñeneen ñu dund dug merci nañu dug allô Allô. Allô, salam alaykoum pap. Maalikoum salam. Mang lay ziar, man Momadou Sy, mang nek fi Espagne Barcelone. Wa Momadou Sy, waaw. Waaw, dama bëggone rek sénégalais yi xam ben affaire. Man mangi liggéey ak ay sénégalais fi au niveau de Barcelone fi ci port bi, mais amna sama mbokk yu bëre yo xamné sénégalais. Mom ma bi may wax ak yow, ñi ngi Sénégal. Té bo xolé mën nañ la buñu dé 100%, 70% yi mom annulé nañ sen contrat. Le reste bof ñom ñi ngi Sénégal xawma nak lan lay def bu ñëwé ñu joxaat ñu sen contrat. Non, parce que y a tellement de morts. Way dañuy remplacer ni décédé fofu dama lay wax kay kor waaw fan lay bëgg expliquer man fi may bëgg expliquer moy man damay suivre journal fi au niveau fi Espagne, mais gouvernement bi dafa def ben dafa décréter quelque chose miné doomu espagnol yi manam ñi yo nationalité espagnol képp ku mu ci doon tayor nationalité ak ku yo résidence qui est permis de retourner sur Espagne doomu espagnol ñi ngi joggé ak ko ko muntu don ci Afrique ak ci latino yi ak fu muntu don, mais pourquoi ñu no doomu Espagne yi joggé ay Sénégal ñu leen affrété ñuy ñew depuis Sénégal di dugg ci Espagne, pourquoi doomu Sénégal yi mënu ñu ci dugalé ci avion yoy ñi ci walé, pourquoi gouvernement bi la très bonne question affrété doomu français ñuy ñibi France, doomu espagnol yi ñuy ñibi ici en Espagne, kon war nañu normalement ñi nga xamné yor nañu résidence dessé ay 2 mois 3 mois pour mu ñuñ koy waxé pour mu périmé mo xam nationalité bu mu muti doon ci Europe bi résident, parce que su doom espagnol bi démé gouvernement bi démé bané nationalité espagnol ak cuir résidence bo mëné teunk nak bo mëné teunk dina bax dé sa way so mëné teunk pour ñeneen ñi dugg gouvernement bi ñoñu normalement gouvernement bi ñoñu ñoñu daf leen waxon bayyi rek ñum ñu ñu rejoindre sur Espagne wala France wala fu mu tigon dans le monde. D'accord. Merci beaucoup. Lay dugg pour solliciter lolu dal. Merci beaucoup, c'est gentil. Ñu ñu Espagne yeb jajeuf. Allô. Allô. Allô. Salam alaykoum. Wa alaykoum salam. Waaw. Papa lé. Waaw. Man la sayer. Sayer waaw. Naka def la wax? Ma ngi sant Yalla bu baax. Yang jam baax. Ma ngi sant Yalla bu baax. C'est la première fois na mo wote. Wa légui xam nga lañ la lay waxtane Sénégalais yi bloqué extérieur. Mo nek tembe. Wa légui mom mo nek tembe bëgg Sénégalais yi nek extérieur bloqué wax ñu seen jafé jafé. Ah OK. Waaw. Wax deug Yalla Sénégalais yi mom wax deug Yalla man mom tay damaay liggéey ba dal kaw mu jott xawma ci ñom ñi bloqué parce que Italie dal nek mom ñima xam mom. OK, d'accord, très bien. Ñima xam mom amu problème, légui bu fekké non la, dama lay ñaanal parce que vraiment yow ku melna yow amul Sénégal defina. Jërëjëf, merci beaucoup, ñi lay sante dila gërëm, di wax Yalla na Yalla nangu ñaan yépp. Dina la wooté len doon bu mala mëne jott. Inshallah, yu amul ben problème. Waaw, kon té du non la, té ma ngi ñaanal Sénégalais yi ñu nekk ci jafé jafé yépp du muñ. Hmm. Parce que muñ moy buntu lepp wa nak mais nak kay ma lene de muñ mom day fekk nga parce que nak ku tok 3 mois 2 mois fer bay wax jojo legui yow bay rek après ñu deggante téléphone waxtan mak yow gaay dañ lay méré legui inshallah li man buma bañ ko méré parce que l'autre lol xam nga sénégalais man sénégalais la wa mais sayer xam nga lolou nekul tém bi té mënu ñu bloquer mënuñu bloquer tém bi comme yow bogo mënuñu bloquer ci lolu voilà merci beaucoup OK comprendre na la quoi no jere jef yalla yalla allô allô allô wa mang lay dégg dé allô mang lay dégg dé la wax xoma da nga tak casque xawma allô wala koku dafa mel dafa takone casque bamuy wax allô allô allô oui allô oui ba man de mang lay deg xoma ndax yaag may deg wala dagay setan live bi motax degoma mang lay deg bu wa très bien voilà wala papa le man mangi wote France waaw OK man ben solution moy ci aide alimentaire yi non aide alimentaire bi nak bëgguñu non gra aide alimentaire tay du problème du thème bi xam nga luy thème bi duma d'accord ci lolu parce que buñ défé thème aide alimentaire bi après man nañ ci réagir mais tay sénégalais yi bloqué à l'étranger tu vivre dans la galère lolu mo nek thème bi tay wa mais même sax lolu sénégalais yi bloqué à l'étranger de toute façon du ñom pour man état bi du len bëkké jappalé ni non non défal non non défal dank état bi dafa xana déggolé Amadou Ba wax Amadou Ba mo wax na consulat yi ak ambassade yi mo len ni jël en charge voilà donc bul wax lolu waxal la yow tamit lo xam parce que do ministre do état do république mais grand dama lay waxé consulat yi nek fi dé wa d'accord kon nak damay bañ damay bañ ñu bloqué wu mak yow ñu mel ni kuy waxtaan té amna ño xamné ñi ngi dundu ay jafé jafé bëgg ko wax nit ñi xam ko c'est très important du deug c'est vrai je suis d'accord ak yow mais man du féké consulat yi lañ mëna compté que c'est pour qui ñun ñu nek fi dé gëm nañ di les sénégalais vos galérer plus d'accord merci beaucoup ma jël wa maroc allô allô allô oui assalamu alaykum wa alaykum salam bab ali man la mat beng wa amad beng yaangi ma ñu maroc maroc wa togo xam nga wa togo yene gi même ma wax wa togo yene gi setat après nak buma ken nak di wax na pap ale message vocal vocal vocal parce que wax na len na len wax len sen problème dimanche ñu waxtane ko ay ci ñing lay deglu wa maroc allô allô oui mané ñing lay deg de wa maroc waaw waaw man ma ñu bloqué fi dakhla dakhla waaw man dama wa dama dégg sank sen son ñi yox auto ñi yox auto waaw mané ci jall fi ño mané ñi yox auto waaw ñi yox auto bari wuñ ñi passager jall fi ñom ñoo upp ñi yox auto ba té ñi dañu duggé fi demone ziar fi frontière kibi kibi tablen fi ah corona duggé casa du ñippi tablen fi comme manam tayji état bi waxé bu seugé ci waxu nit yi du né ñi dañu yo ay auto marchandises ak yoy man mën na né état bi ñu ngay tapalé waxu ñu waaw benn aide bo xamné jogé na ci état bi bu ñu ndo fi ci fi bolé ci nar yi waaw koku dem na mi ngi done woté ba Maroc amna keneen kuy woté timin Maroc defana allo allo oui oui waaw mu bolé ci nar yi génné benen système bu bëss bo xamné waaw dañu né dañu lolu sax dañuy protéger parce que ku solo masque waaw ñu ramasse la mais sen doomi fi rew nañ rew jo xamné na kenn du ci sol masque mais sénégal kuñu sen lu ñuul mais nak dama lay xelal ben affaire même sénégal dañ koy wa défal nank nak lolu nak c'est pour se protéger pour sa bakkar la yow hein parce que sénégal sax dañ fi dañu imposer masque waaw donc kon ko amna na ci waaw mais sénégalais fi man lan moma gëna metti man pap ali waaw nga danalé fofu nak waaw ay jigen ño xamné dañuy jékki sax ay minuit la genn no leen xol fan lañ nekk ñu nekk ci kaw terrain yi di joy do xam lan lañuy joy ba té neen nañu xamuñu seen suba ëlëk fan la té ñi nekkal ñom du leen calmé ñun mënuñu la wax fiñ suba lan lay démé très bien day jaxlé nañ fi wa deug yalla sonu nañ fi ku ne fi ñi nekk frontière sonu ñu dara dalu len day wax lu ko neex wala esu wala dundul ci ñu mais sonu nañ te ñu yogul auto ñu upp ñu yok auto wa lolu d'accord amul problème légui lolu den ko di len ko xol niñ koy régler ah gaay war nañ xol lu xew frontière bi de li lu fi am fi ñaaw na de te bu continuer ni ah bu continuer ni merci beaucoup jerejeuf allo allo gaay nak dali wote ba pare allo oui oui alaykoum salam wa papa le man man mang lay woyé marok fi gaza mang lay woyé fi birgandouz ah birgandouz yeen di wa deug na deuk bobu wa ñun nak ñun musuñu la bu sax jour dañuy essayer pour jot lo ko bo leuy mais musuñu la jot wa no c'est que xamala la len wax wax na len ne da ngeen wote ci numéro bo xamne xam nga man mënuma nek def li ba paré nek ci liggéey di jël numéro téléphone ku né parce que amna ño xamné ñi ci confinement amna ñ jot té man timi da ngeen may da ngeen xamné man timi damay nek ci liggéey damay nek ci liggéey bëgg di wuy téléphone néna len bind len ma tontu len wa man ma tuddu may tuddu vietam circuité wa ay ci ni ngi lay déglu vietam sir defena demna allô oui wa papa ale am ko jox ha ya nga en direct waaw wa ni a propos gaay nek ci tax bo ci dakhla mais yow ya nga senegal waaw mais wa dakhla ni nga waxal sen bop nak yow timit nak lo beug yok wa man damay joko ak ñoo mais ñoom ni wax nañ dama nak 4 personnes yu nek dakhla wax nañ legi wa c'est à dire pour problème ambassadeur wa mais amna 4 personnes ak sen responsable moral ñom ñi ndey ji mbil ji ni ngi ci digg marok na ñom kay mënu ñu leen gëna xam sen problème wala wa lolu deug la yow yaay Sénégal baye ñoo ñu wax nak ba lolu lay bëgg xama man ku nekk ku may wax ci lolu dama lay wax ne la kay nga waxal ko sa bop parce que yeen ñu koy dundu wa togo dama leen wax ne yeen ak ma dañ wodi wax ay problème yu dul jeex allez on y va les gars ok allô allô Assalamualaikum. Waalaikum salam. Allo. Allo, mang lay deg de man. Xam ndax yaag may deg rek yow. Ah, koku mom coupé na. Ah. Allo. Allo. Allo. Allo. Allo. Allô Seigne bi bon allô waaw papa rien mang lay jaar ya delu ci wat non man wuté na sa man dafi sank mangi wa ay ci mang lay deglu yo fay woté déguma li ngay wax dé nga né man étudiant la dama bloqué man dama bok suñu bloqué wu fi Maroc mais néwuma en même temps fu gaay nek waaw parce que on bëgg indi ben éclaircissement ci gaay lañu nek di wax c'est à dire man yaakaana ni tay ministre so dem ba nek fonction nek ministre so jëlé yeen décision diko wax ci mir média dafa la nara fekk mu ndo lo xamanté dang koy def ministre depuis ñu nek fi ça fait 2 mois ñi yaangi fi amuñu kenn ku ñuy wo dañu assister on budget bu mo yoron lek nañ ko ba mu jeex tak mais lu gëna bon c'est autorité bala ñuy dugul ci média di wax dara mais nañu wo dañu xol lu am mom sur place ñu jëm ñu sax sey ci xol ci lu ñu nek mais man sa famay ñu gis sama yaay ñaan dañuy assister ñu nek fi ci frontière ñet alors que dara nekku ci lu lepp ay katch la ay fenn la tay la man duma russe ma kenn damay wax nak ku bëgg mu xam wa légui xol nañ ko tégginal rek grawul nañ ko tégginal wax ko da ngay wax ni du dëgg rek c'est pas vrai motax man ba ngeen may wax ma jaxlé ma tégg ay cadeau wa lo dëgg la rolle de grand djégalou mais ça dit jusque xol bu tang rek la waxe quoi parce que suma gissé ay ministre tax do don tollu ci ministre def ay yene discours yi ko bare te fegu dara neew ci nara dara amu ci lolu amu solo lolu jaru bu koy def mais xol consulat len ko wax xangulum ñu wax suma responsabilité jamono ji lolu legi man géré wumako ñu legi luñ ci mën ci so ñewé nek à l'étranger sa consulat mu la taxaw sa état kon lum lay wax kon samba sa munu ko bo jot ko fix nga yo mo ci wo bo jot len Merci beaucoup, Jerejeuf, vraiment. On comprend cri de cœur bi. Bon, écoute, il nous reste, gaay ak may wax né, il nous reste combien? 7 minutes. Hein? Allô? Allô? Allô? Allô, mang lay dégg dé. Allô, papa lé. Waaw, mang lay dégg. Oui, ñu ngi lay woyé ba Japon. Japon, yé da ngén bloqué Japon. Non, c'est que xamna nak yow nak yow yaangi nek Japon nga xamné dañu xarañ ci waru technologie nga bëgg dégglo affaire bi ci sa ki doko fay nga dégglu téléphone waaw ñun barki Seydou Touré dañu méré suñu président trop barki yaa waaw ma ngi sax contane ci mom limi def lé ñun ben modou gisuñu sen bop diva. Donc amuñu satisfaction ci mom quoi bu nek fitil ci ay lido affaire ñax faire yoon ko daanu ci mom daal. Allez, merci beaucoup jerejeuf. Jerejeuf. Ba bay len ko mu jël lido nak yeen timit. De jël lido ak njabotam. Ba len ko mu jël lido. Def 6. Xam nga ngey wé man fatina sax lido. Allô. Allô. Allô. Oui. Allô. Wa papa ale ñun ñong lay wowe fi Cameroun. Cameroun wa Cameroun lu xew Cameroun. Wa fi nak mom amna ay Sénégalais hein parce que jot na ci joko sax ay ñaar sax nak ñun dem nañu wax ak consulat bi ñun ñi nek Douala mais ñom ñun sax ñoo ni gëna informé da melni té ñun ñi nek ci problème ñun ñoo leen gëna informé parce que ñom loolen laaj ñu le xamuñu ko. Wa légui yoni nañu ci plateforme pour que ñu jëmal recenser suñu bop donc duggal nañu ci information ak yépp mais bop ba tay bon dara lu leer amul té ci bi sénégalais tamit amna ñu ci sépp di ci jox information ak ño xamantene bon buñu woté ñu def ñu aju dal lool dal la bëggoon wax ci radio bi ndax ñi dégg ko parce que ñun dafa mental état bi ñu am mom xélam nekul ci ñun trop dal ma am gaay dañuy nekk di xaraat ñu ci ñuy défé lénen loolu ñu gis parce que mëno am nit yu bari wul trop parce que Tchad ak Cameroun lañu wax mëno am nit yo xamantene bari wuñu yo mëno leen gérer manam tay ku woté information bu may am parap bu waxtaan ak moromam mom benen info la koy jox té dafa melni nit yi dañuy sépanté dafa am ñu am position yu baax ak ñu amul position yu baax donc yoy dal la bëggoon ñu wax ci radio bi dal merci beaucoup jëm ñoo jappato jërëjëf. Allô? Allô? Wa jambar yow yaangi duggu mais so duggé da ngay melni da ngay talte kibi bi moy 3ème fois ngay am chance duggu. Allô? Duggu leg man la Moussa ma ngi nek Afrique du Sud fi ci Cap Town. Oui, Afrique du Sud wa Moussa wa. Oui. Man li Amadou ba don wax rek mom ci la bëgg ñu. Ñu ngi fi Afrique du Sud mais li ñu wax naan xaliss bi da nañ ko doxé da nañ def ni loolu c'est faux amul bo xolé fi musuñu dégg ambassade mu def fi nit wañé wala dara mu doxalé ci dara oh non jamais musta am yimi wax yoy yep c'est faux affaire bi ma nga tambalé té kaw ba ci suuf bi dañuy séppé affaire di leen dox ñun ñukoy gis dégg na France ñom seen doom yi lañ duggal ci liste bi bam fa dal amna ko mako wax légui sama ben xarit manako amé lolu nak ña nek France nañu woté wax ko parce que comme man maangi Sénégal duma jëma lejeunti lolu wala ngeen envoyé ma liste bi ma lire ko non fi même lolu mo fi am daw si duguna dem RTS wax fi yimi wax yoy yep c'est faux ay magu yu rek lañ ci nek ñi def dara leew ci Amadou Ba warna roufa jakarlok Sénégal yi sax di wax naan bay def li dañu def la lolu mu wax non amul. Mang lay dégg jërëjëf. Très bien. Jërëjëf. Allô. Allô. Allô, salam alaykoum. Wa alaykoum salam. Allô papa, allez, mang lay nuy. Mang lay ziar. Alhamdoulillah papa, allez, mangi waxé ci kaddu ko yi nga xamanteni ño nek Dakhla. Waaw. Dakhla ñom wax nañ de juroomi nit wax nañ ci Dakhla wa non mais man nekuma dakh la mais dama bëgg waxé ci seen cadre ñom parce que dañu tay thème bi mo taxu du waaw waaw juste pour wax rek né manam pour gouvernement bi mu jéma jappalé ñi nga xamanteni ñoo né dakh la en fait xam nga man mom maangi Casablanca waaw mais xam nga ñun ci média yi fi lu né lañuy dégg que parce que man mi sax ci fan yi la dégg né ñi nekkon dakh la ba légui demagu mais lolou la lay expliquer manako xama yow yang koy deg wax nañ légui juroomi nit ñu nek dakh la wax nañ sen point de vue le te xama ñu nek fofu ñom ñoo la wara gëna xam comme yow yaangi Casablanca li ñuy dund amna kenn ku wax sax luñuy ndogo lolou tax mané ñom ñak mané xama ñom nak xama netali mom ku tewtu dund mo gëna neex ko yow ma ngey wayam dañuy netali rek mais ñom wax nañ ko xamna ñom wax nañ ko wa pap ali xam nga yow sunu kilifa nga yow burul da nga representer senegal ben xasson wa leg ma laaj le ben affaire leg yow lan nga ma meuna wax ci dakh la wa lima la meuna wax ci dakh la du len rek loolul gouvernement bi nga xamanteni ñom ci bopam ñoo annoncer ci media yi ñu tok degg ne ay vol dina joge senegal wacc fi nga xamanteni modi dakh la récupérer element yi fa nek yobul len ñu tok don degg ñu joge ci fofu nonu ñu déggenti né téni wa dakh la ñi ngi nekk ci lijeenti xaaliss parce que gouvernement bi ñoo leen xamal né pour ñu jëlé intention pour ñu gé dakh la pour dem ñom ñoy fayal seen bop li nga xamanteni moy di escort ba nga xamanteni ni tayji ni askan wi ñi ngi génné seeni deureum di leen ko dolel ba nga xamanteni ni ñom li leen gouvernement bi sax ñom lool dinañ ko def ginnaw bañu nekké ci yoy nonu bo ba légui gouvernement bi gis ñu du def dara ministre bi woté na expliquer na mais bo logu ben réaction bo xamanteni gis nañ ko ñu jappalé ko sunu xalé yoy nga xamanteni ñoo nekk dakh la sérieusement parler ku ne xamna ni nekk sa réew ak bo génné sa réew mën ta doon ben jërëjëf comme bo waxtu bi dab nañu parce que li nga wax ni wa dakh la wax nañ ko légui juroomi nit duggu nañ wax ko ñi rafetlu bu baaxa baax ñom timit sen taxaway kon gaay fi lañu yemalé parce que monsieur tigne na man ak affaire yi jeex na dé kon may wax rek gaay na len affaire jeexna fokh ñu xam ko aussi parce que def nañ ci ñu li nga xamne mom mo di 1h30 yi nga xamne mom lañ waran def nañ ko kon nak def nañ 1h32 sax xama ma ngi gis fi ñu bari di wax ne ay amadou ba dañu autour du micro léra mais contacté nañ ko nako mu ñew léral li ñi wax mais nak xamu ñu mënuñu luddul invité nit bu gantalé mënuñ ci dara kenn du ko jéng ñew tek ko mu wax par la force mais lool yépp né nañ ko ba nga téggé sa plateforme bék ba nga waxé lépp ba paré hein ñewal tok ak sénégalais ñu né la wa dakh la lég li nga expliqué xaaliss bi ñu né jotuñ ci lég li nga expliqué kon invité nañ ko pour mu ñew wax ci lolu mais mom ci bopam mo gantalon comme mo gantalon nak ñun timit mënuñu luddul nangul ko li nga xamne mom lañu wax comme dafa gantalon timit mënuñu luddul nangul koko kon gaay duñu def luddul dem rek suñu The Bluetooth device is connected successfully. Sante ñep la famille hein ma ngi leen di sante bu baaxa baaxa baaxa baaxa baax ma ngi wa togo nak ma ngi xaar ba kenn dima wo di wax na ba paale bo ko ci di wax na la ko ko te kenn wo taw barbar Donc, Inch'Allah, on se donne rendez-vous mardi, Inch'Allah. Nous devons être topal les affaires. Nous devons être tay mom xamna arono duma mere parce que respect na daay ne sa ko ma tsin ka Ciao.